531, observation. Un, une, des, and negation. Question. Vous avez un frère? Affirmation. Oui, j'ai un frère. Négation. Non, je n'ai pas de frère. Vous avez une sœur? Oui, j'ai une sœur. Non, je n'ai pas de sœur. Vous avez des sœurs? Oui, j'ai des sœurs. Non, je n'ai pas de sœurs. Note that in negative expressions, pas is usually followed by de rather than by un, une, or des. Note that before a vowel sound, de is written the apostrophe. This is an instance of élision. Positif. Un frère. Négatif. Pas de frère. Une sœur. Pas de sœur. Un enfant. Pas d'enfant. Des enfants. Pas d'enfants.